Votre cerveau emmagasine une multitude d'informations qui se logent dans différents compartiments complexes de sa structure. Toutes ces informations sont archivées dans la mémoire. Cette fameuse mémoire dont on dit qu'elle est une faculté qui oublie n'est peut-être pas une faiblesse ou défaillance de notre cerveau. En effet, il semblerait que selon les études scientifiques suisses, que le cerveau éliminerait volontairement certaines informations dites sans importance ou superflues pour demeurer efficace. Qui plus est, ce processus automatique, et à notre insu, serait un système de protection élaboré qui se veut une barrière à la folie ou à certains problèmes mentaux. La molécule responsable de ce processus est la Musashi. Je conclus donc, suite à la lecture de cette étude, que l'homme dit « normal » tient cette dite normalité à une seule molécule. Cela explique bien les choses. Les représentants du genre humain sont dans les faits tous fous, mais tel un poisson et un hameçon, il n'y a qu'un mince fil qui les relie. Et pour cette raison, je préconise tout simplement le remplacement de cet organe lorsque défaillant. Et ici, je conclus encore une fois que la majorité le sont. Donc, pour un temps limité, profitez de cette offre imbattable. Pour une tarification plus que compétitive, j'offre le remplacement systématique de tous les cerveaux de votre famille. N'est-ce pas merveilleux? Téléphonez immédiatement au 6-666-666-666-666, extension 666, et réservez tôt votre place, car elles sont limitées. Limitées, oui, parce que des cerveaux fonctionnels, j'en ai pas tant que ça! Incluant le mien, voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque son offre de soins dont il fait la promotion pourrait, je dis bien pourrait, comporter quelques imprévus, tels que le remplacement prévu par ce qui lui tombe sur la main, comme une plante par exemple, ce qui pour plusieurs ne fera aucune différence. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated. Cause I, Pendragon, said so. The Big Four. I'm on the- What? Get thrashing all around. vous êtes à CIFU. CIFU 89.1. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis 10h à C'est fou 89.1 FM. Salut, moi c'est Alex. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre. Matière noire. Tous les dimanches, 19h. C'est un rendez-vous. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, What Web, C'est un fait Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. Je vous en prie, merci, merci. Ah, c'est trop. Comme je le disais, avant d'être si abruptement interrompu, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 12 avril de l'an de disgrâce 2016. Je suis le Dr. Pain Pendragon. Et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. On vient d'entendre, avant cette pause publicitaire, le Big Four du thrash metal américain, c'est-à-dire Slayer, avec Necrophiliac tiré de Hell Awaits de 1985. Metallica et la pièce Whiplash tirée du premier album Kill 'Em All de 83. Megadeth et Rattlehead, qui est tiré du premier album également, Killing is My Business and Business is Good, qui est paru en 1985. Et nous avions ouvert avec Anthrax et Death from Above, qui est tiré, encore une fois, du premier album Fistful of Metal de 1984. Donc, quatre excellentes formations. Ben, oui, j'ai inclus Megadeth avec le premier album, bien sûr. Ils ont d'autres bons trucs aussi, là. Mais, un bloc de quatre bonnes pièces, pour le moins. Ce soir, à l'émission, j'aurai un spécial pour vous de la formation polonaise Decapitated, une rétrospective des 6 albums, si l'on veut. Si on veut pas, ben on va le faire quand même. 6 pièces retenues des 6 albums respectifs, qui sont des albums studio complets, bien entendu, entre 2000 et 2014. J'aurai aussi la présentation de... une pièce tirée de la formation portugaise Sinistro. Et non, Sinistros, Sinistro, pièce tirée de l'album de leur dernière parution du 8 avril, soit Cementé. Et pour le reste, ben, des choses plates, ennuyantes, des choix musicaux très douteux. J'aurai beaucoup de disco et de dance music à vous faire écouter. Possiblement aussi de la polka et peut-être même quelques rigodons. Et tant qu'à parler de rigodons, eh bien, pourquoi on débuterait pas tout de suite avec le maître défunt, défunt maître du rigodon lui-même, rigodon endiablé pour ne pas dire ensorcelé. Je parle de l'émical Mr. Motorhead. Wake the dead. Vous êtes à l'animation jusqu'à 21h. Soyez avisés. Je vais reprendre, désolé. Cette fois-ci devrait être la bonne.

Dr. Pendragon on CFOU. Rip your ears off and let your brain bleed out.

19h50 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de Sifu 89.1 FM et ce jusqu'à 21h. Désolé pour le début de ce bloc qui a été lamentablement, écorché. Petit problème technique, mais bon, on les a entendus quand même. On vient d'entendre avant la pause publicitaire la formation américaine Six Feet Under et la pièce Non-Existence qui est tirée de Warpath, album de 1997 sous étiquette Metal Blade. Et à ce jour, c'est toujours un de mes préférés, je dois le dire. Nous avons eu des bons par la suite, mais celui-là, je le trouve plus marquant. Nous avions juste avant The Bowery et la pièce Demon Slayer qui est tirée de Kings of Carnage de 2013 sous étiquette Massacre Record. Entomb et leur excellente pièce, mais piètre production. La pièce étant Satan Slugs qui est tirée d'Uprising de 2000. C'est un de mes préférés aussi, Uprising, mais la production, ça fait vraiment dur par moment. Heureusement, ils sont rattrapés avec le temps, mais j'ai de la misère à concevoir qu'on puisse sortir. Là, je parle pas d'un album qui est paru en 1953, là. Je parle d'un album qui est paru en 2000. J'ai de la misère à concevoir qu'on ait pu sortir un album. C'est une question de budget, j'en suis conscient, mais quand même, là, il y a le budget et pas de budget du tout, là. Et on a ouvert effectivement avec Motorhead et la pièce Wake the Dead qui est tirée de We Are Motorhead. We Were Motorhead à ce temps-ci, qui est paru en 2000 également sur SPV. Mais Motorhead demeurera toujours un incontournable du rock, du métal, du pur et dur, sans aucun compromis. Est-ce que je passe à la chronique cinéma tout de suite? Je pense que oui, tiens. Oui, c'est ce que je vais faire. puis non, ça me tente plus. Je vais la faire quand même. Puis ça me le dit pas. Un petit effort, docteur. Oui, voilà. Chronique qui est relativement courte, je dois le dire, parce que dans les faits, je n'ai pas écouté énormément de trucs. Je me suis concentré sur une boîte de jus d'orange congelé. Jus d'orange concentré. Non, je n'ai pas écouté énormément, effectivement, de trucs parce que je voulais terminer la deuxième saison de Daredevil, qui est une série de Netflix qui m'avait initialement laissé un peu sur ma faim en début de visionnement dans les premiers albums, ce que je raconte, les premiers épisodes. Bon, écoutez, c'est très bien, là. C'est bien, c'est une bonne série de super-héros. C'est original, je disais généralement parlant. Tel mon premier commentaire en début de visionnement, il demeure sensiblement le même. Si je fais un comparatif avec la première saison qui m'avait, ma foi, fort emballé, je dois dire que cette deuxième saison de Daredevil est un petit peu plus faible pour certains aspects qui sont principalement... je trouve que le profil psychologique, les états d'âme de Matthew, alias Daredevil, sont devenus, je dirais à la rigueur, presque caricatural par moment, dans le sens où ce qu'il a vraiment de gros problèmes de conscience à vraiment punir les méchants. Il est contre absolument toute violence causant la mort, mais en contrepartie, il est prêt à laisser aller n'importe quel vilain qui aura tué 50, 60 innocents auparavant, histoire de respecter son éthique de préserver la vie. Je trouve ça un peu ridicule, là. C'est une série d'action, de science-fiction. Ce qu'on veut, là, c'est que les méchants soient éliminés, là, une fois pour toutes. Et puis, Daredevil, il y a un petit peu de misère. En fait, il y en a beaucoup plus, je trouve, de façon flagrante avec cette deuxième saison. Remarquez qu'il y a aussi à travers ça des états d'âme sentimentales et amoureux qui sont déchirants pour lui entre Karen, qui était devenue son assistante dans son cabinet d'avocat, parce qu'il est avocat dans sa vie normale, entre guillemets. Et aussi l'apparition d'un autre personnage de Marvel, qui est Elektra, qui, dans le fond, est une ancienne flamme et qui revient à la surface, et il est profondément déchiré, et il ne sait plus quoi faire. Oui, je présume que c'est... Daredevil, ce n'est pas un super-héros qui est surhumain. tel exemple Thor ou Superman. C'est un mortel, c'est un humain qui a développé certaines facultés extraordinaires, j'en conviens. Mais on veut pas le savoir, ça, cet aspect-là, là, quand on écoute ça. Ça nous intéresse pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Et d'après ce que j'ai pu lire, d'après de nombreuses critiques, si on veut, de l'appréciation de la deuxième saison, je suis pas le seul à le penser. Bref, c'était quand même très divertissant. Et le point fort, parce qu'il y en a un, effectivement, qui est un point, ma foi, qui a, selon moi, racheté l'ensemble de ces 13 épisodes, si je ne m'abuse, c'est la venue du personnage de Punisher. The Punisher qui est excessivement bien, mais vraiment bien interprété par, j'oublie le nom de cet acteur qu'on a pu voir dans bon nombre de films, entre autres dans le film, l'excellent film de guerre avec Brad Pitt, Fury. Il a le profil de l'emploi, tout à fait. Et c'est le Punisher qui me ramène à dire que la saison a été divertissante parce qu'il est d'une violence incroyable. Et c'est pas parce que je trouve que les séries manquent de violence, au contraire, on en manque à peu près jamais. Mais lui, il est l'antithèse de Daredevil, puis j'ai trouvé que ça équilibrait très bien la chose, et j'adore le personnage du Punisher. Donc, soit dit en passant, c'est quand même très bon à écouter. Autre truc que j'ai trouvé, ma foi, fort délectable, il s'agit ici non pas d'une série, mais bien d'un film, qui est un film, c'est une comédie noire. Oui, on pourrait dire ainsi que c'est une comédie noire, c'est tout à fait dramatique par moments. C'est un film britannique qui porte le nom de Kill Your Friends, qui est paru l'an dernier en 2015, qui est un film de Rowan Harris qui met en vedette l'épouvantable Nicholas Hoult. En fait, son personnage est vraiment exécrable, mais il est admirablement bien joué, et qui raconte les péripéties, voilà, oui, le terme approprié, de Steven Stelfox, qui est un jeune producteur de musique et chasseur de talent au sein d'une compagnie de disques qui s'appelle Omnigram, en 1997, à l'époque où les groupes pop, Blur, Oasis et Radiohead sont vraiment les top niveaux de cette époque. Il doit, sa tâche est de trouver des nouveaux talents pour, bien sûr, amener de l'eau au moulin et être capable de pouvoir être toujours le premier à avoir découvert ce qui va être le hit de la saison, de la période, ou le groupe qui fera faire fortune à cette compagnie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, tout est une question uniquement d'argent. Ben, comme dans la vraie vie, évidemment, et spécifiquement, probablement, encore plus dans le milieu de l'industrie musicale. C'est vraiment extraordinaire comme film, parce que on voit jusque où la cupidité et l'avidité, devrais-je dire, du pouvoir peut mener quelqu'un. C'est vraiment horrible par moments. Et en même temps, c'est une grosse parodie décadente d'une réalité qui, je suis certain, est le quotidien de ces gens de l'industrie musicale, qu'ils soient musiciens ou qu'ils soient producteurs, promoteurs ou en fait étiquettes. Kill Your Friends est un film qui est vraiment bon, qui est vraiment très bien fait. Faut passer par-dessus certaines petite chose qui pourrait être agaçante, je dirais, pour les amateurs de métal et de rock, bien, on n'en entend à peu près pas, faut le dire. C'est principalement, on entend des trucs épouvantables par moment, parce qu'il va dans des clubs qui sont très jet-set pour entendre des artistes qui se produisent. C'est pas nécessairement la musique que moi j'aime, ou que d'autres aiment, bien entendu, quand on parle de métal et de rock. Mais on fait fi rapidement de ça, parce que l'histoire est vraiment excellente. Donc, Kill Your Friends, je vous incite fortement à le voir. Et la semaine prochaine, j'ai débuté, mais n'ayant pas assez d'épisodes de visionnés jusqu'à présent, je préfère attendre à la semaine prochaine pour vous parler de la 6e saison de The Walking Dead. Cette fois-ci, nous allons aller avec la présentation de la soirée, nouveauté de la semaine, avec une formation portugaise qui en est à son deuxième album complet studio, formation qui porte le nom de Sinistro. Sinistro, et non Sinistros. Ben, ils sont peut-être parents quelque part, mais ça, j'en ai absolument rien à foutre. Sinistro, qui est une formation qui donne dans le doom, sludge, metal. C'est un quintet, et le vocal est assuré par Patricia Andrade. Si je le prononce bien, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle chante dans sa langue d'origine, le portugais, bien entendu. Mais j'ai trouvé le contraste fort intéressant parce que normalement, le votre bon docteur n'est pas le principal intéressé des vocales féminines dans le métal, loin de là. Mais ici, j'ai trouvé que le contraste était fort intéressant, mais c'est surtout l'aspect musical qui est assez, je dirais, intéressant et voire original qui m'a intéressé dans Sinistro. Je vous propose une pièce qui est tirée de ce nouvel album Semente, qui est paru le 8 avril dernier sur Season of Mist, soit la pièce d'ouverture Partida. Sinistro, go! Je pense que... Le plaisir d'avoir écouté cette formation a été partagé avec notre ami Horace, ce super beau petit singe, qui, soit dit en passant, je me demandais où il était passé. Ben, je sais où il est passé. Il est parti. Ah, il vient de repasser. Il va revenir tantôt, j'en suis certain. On vient d'entendre un extrait de l'album Cemente, paru le 8 avril dernier de la formation portugaise Sinistro, la pièce étant Partida. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cet album, parce que le reste de l'album est aussi intéressant, c'est l'ambiance qui s'en dégage principalement, qui est, ma foi, assez inquiétante, assez tragique et dramatique. Le contraste de la musique très lourde, très, je dirais, très horreur, entre guillemets, si on veut, avec le vocal, comment elle s'appelle déjà, là, je m'en rappelle plus, là. Je sais pas. Anyway, c'est pas grave, ça. Le vocal, plus, je dirais, entre guillemets, encore une fois, peut-être céleste, donne un effet, ma foi, assez, je dirais, quasi décadent, que j'ai bien apprécié. Donc, si vous êtes amateur de musique métal à tendance doom, je dirais... non pas trop caverneux, mais quand même doom, je vous invite à découvrir l'album Cemente de Sinistro. Et je le répète, ce n'est pas Sinistros, mais c'est bien Sinistro. Il est 20h09 minutes et nous allons passer cette fois-ci à la chronique musicale, pourquoi pas. T'sais, on va se débarrasser de tout ça, ces niaiseries-là, ça va être fait. Des niaiseries, c'est relatif. Je vais y aller avec quelque chose que j'ai profondément... je dis profondément. Je n'ai pas aimé, pour le moins. Formation italienne qui s'appelle Midsize, qui donne dans un dark gothic symphonic metal. L'album étant Creeping Time, sous étiquette Maple Metal Records, que je ne connaissais pas du tout. Mais comme je le disais à toutes les émissions, des étiquettes... des labels, si vous préférez, il y en a un et un autre. C'est une formation qui... ce qui m'a attiré, en fait, ce qui a piqué ma curiosité, c'est de voir le mot « dark » et « symphonic metal ». Parce que, si je me réfère à Septic Flesh, qui donne un peu dans le genre, ça me plaît énormément. Il y avait le préfixe gothique qui, à l'occasion, je déteste pas ça, mais ça a été une mode, le gothique, au début des années 2000. On avait énormément de formations qui venaient principalement d'Europe, là, qui nous donnaient justement un métal plus lourd avec un vocal féminin. Certains trucs ont été intéressants, mais je dois dire que personnellement, je m'en suis désintéressé relativement rapidement, parce que ça devenait assez redondant. C'est passablement tout le temps la même formule. Les formules qui étaient souvent calquées, voire copiées directement d'une autre formation qui avait précédé. C'est ce qui m'a un peu désintéressé du style. Mais je lui dis quand même, je pourrais peut-être laisser une chance à la formation Metzai de me plaire. Ben, ça n'a pas été le cas. je dois dire que... le contraste, en fait, il y a un contraste évidemment encore une fois avec une voix plus plus death, si on veut, une voix un peu plus céleste, mais les contrastes sont pitoyables. Le chanteur lui-même, un filet de voix qui est ridicule, que j'ai trouvé absolument abominable. Musicalement, c'est très maladroit, c'est très déjà vu. Il y a plusieurs reprises, d'ailleurs. La qualité d'enregistrement est correcte, mais je dirais que ça avait tendance quand même à m'écorcher un peu les oreilles. Je suis un peu difficile, je dois en convenir, mais quand même, j'ai trouvé que c'était très peu intéressant. J'ai vraiment pas aimé. Ça, c'est bien entendu mon appréciation personnelle, et vous devriez tous la respecter. Autre formation que je vais vous présenter la semaine prochaine, qui est une autre formation italienne, mais celle-ci, je l'ai vraiment bien aimée, c'est la formation Schizo, je crois qu'on doit dire, et leur dernier album, Rotten Spiral, qui est disponible sur Punishment 18 Records, que je ne connaissais pas non plus aussi. Je vais vous en parler plus la semaine prochaine, parce que je vais présenter quelques pièces de Schizo. c'est du trash. Il y a un qualificatif. Le groupe a le qualificatif de trash, black trash death metal, je crois. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il donne beaucoup plus dans le trash metal, relativement minimaliste. Mais on le découvrira la semaine prochaine. Ceci étant dit, nous allons y aller de ce pas avec ce spécial Decapitated. Decapitated, qui est une formation polonaise de Krosnor, qui est active depuis 1996. Il y a eu une courte pause d'environ 2 ans, 2007 et 2009. Et ce qu'il faut savoir avec Decapitated, c'est que ce n'est évidemment pas la formation originale, entre autres parce que Vitek, le batteur, qui était là de 1996 à 2007, eh bien, il est décédé malheureusement dans un accident en 2007, justement. Il ne reste qu'à peu près le guitariste qui est là depuis 1996, soit Vogue, de son vrai nom, je vais vous le dire, Vakla Kieltika. C'est-à-dire que, à l'instar du Suédois de la semaine dernière, mon polonais est pas très bon non plus. Donc, Vakla Kieltika. Peu importe, on s'en fout finalement. C'est le guitariste, c'est pas mal l'âme derrière Decapitated, qui aujourd'hui sont principalement depuis l'album Blood Mantra, donnent dans un death metal à tendance beaucoup plus groove, alors que les albums précédents étaient dans un technical brutal death metal. Quoi qu'il en soit, la tangente qu'ils ont pris avec le dernier album en 2014, soit Blood Mantra, est excellente. L'album est vraiment très très bon, il est très punché, il sonne excessivement bien, puis les pièces sont relativement accrocheuses. Pour du death metal, généralement dire que c'est accrocheur puis qu'on s'en rappelle, c'est un peu plus rarissime. Ici, moi je me fredonne souvent des pièces de Decapitated de cet album. Je vous propose aujourd'hui un spécial de pratiquement 30 minutes qui couvrira les 6 albums, mais pas dans leur entier évidemment, parce que 30 minutes, ça serait beaucoup plus suffisant pour le faire. C'est une pièce par album que j'ai choisi de ces 6 albums. On va y aller dans un ordre chronologique. On va entendre une pièce tirée de First Dam de 2000, Nihility NTU. On va entendre la pièce First Dam de l'album Winds of Creation de 2000. On va entendre une pièce de Nihility de 2002, Negation de 2004, Organic Hallucinosis de 2006, Carnival is Forever de 2011, qui était vraiment un excellent album, et une pièce de Blood Mantra de 2014. Je vous souhaite un excellent spécial Decapitated. Go! Fifth dimension, beyond that which is known to man. Thank you. c'est le 89.9. C'est fou. 89.9. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis 10h à C'est fou 89.1 FM. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de C'est fou 89.1. Bienvenue à bord. Pattern, happening électro au Centre culturel Pauline Julien, ce vendredi 15 avril, 20h. Événement unique et multimédia, création électro improvisée en direct avec Biobazar aux machines, sans ordinateur, Christian Laflamme au drum et autres patentes à gosse, Dominique Gagnon aux échantillonneurs. Le tout peinturluré de projections organiques par le grand Daniel Delisle. Pattern, au Centre culturel Pauline Julien, dès 20h. Pour information, ccpj.ca. Vous êtes assez fou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Vingt heures 47, l'émission s'achève. Oui, réellement, je vais peut-être manquer de temps finalement. De toute façon. On vient entendre ce spécial Decapitated qui faisait un survol de la discographie des 6 albums de cette formation polonaise. On vient d'entendre, avant cette pause publicitaire, la pièce of Veins, Tapping the Veins, c'est plutôt un roman de Clive Barker. Voilà. Veins, tiré de l'album Blood Mantra qui paraît en 2014 sur Nuclear Blast. Quelle horreur. The Knife, auparavant, tiré du très bon album Carnivals Forever, qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast également. Nous avions Invisible Control, tiré de l'album Organic Hallucinosis de 2006. Et déjà, on voyait que cette pièce-là avait une tendance qui était un petit peu plus groove. C'est sous étiquette E-Rake. Nous avions The Negation, tiré de l'album. C'est la pièce-là de cet album Negation, qui est paru en 2004 sur E-Rake également. C'était précédé de Nihility Anti-Human Manifesto, qui est tiré de l'album Nihility de 2002, sur E-Rake Recording également. Et on a ouvert ce spécial avec la pièce The First Damn, tirée du premier album par en 2000 sur Wicked World, soit Winds of Creation. Je vous rappelle que cette semaine, ce vendredi, dès 11h, ici même, c'est fou, 89.1 FM, c'est l'émission rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Et cette semaine, Alain et moi allons vous présenter le fameux 3 pour 1. Donc, tout au long de l'émission, ou quasiment, nous allons vous présenter des pièces, trois pièces tirées d'un seul et même artiste ou groupe. Vous pourrez entendre les formations de Doors, Steve Miller Band, Cheap Trick, Deep Purple, Rainbow, Marshall Tucker Band, Ram Jam, Judas Priest, Guns N' Roses, Status Quo. Non, c'est faux. Cinderella. Entre autres, Alain va vous faire tourner une face complète de non pas un, mais bien deux albums vinyles classiques parus il y a 40 ans, c'est-à-dire Still Live de Van de Graaf Generator, excellent, ainsi qu'un album qui est paru, qui sera paru il y a exactement 50 ans cette journée-là, soit Aftermath des Rolling Stones, ainsi que la chronique des groupes obscurs dans laquelle Alain vous présentera la formation scandinave Titanic. C'est la partie 2 de cette présentation Titanic qui a fait carrière au début des années 70. En plus des chroniques habituelles, c'est-à-dire les éphémérides, les nouvelles du rock, la chronique de la faune et les amateurs du rock, ça passe ou ça casse et toutes sortes d'autres niaiseries plus invraisemblables les unes que les autres. C'est dès 11h jusqu'à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock, rock classique. Et tant qu'à moi, la semaine prochaine, je vous proposerai l'album, un petit survol de l'album de Schizo, formation italienne, qui donne dans un trash metal, ma foi, que j'ai trouvé assez original. Pardon. L'album s'appelle Rotten Spiral. Et je vous présenterai aussi un spécial, en fait, Dans les faits, l'émission sera entièrement consacrée, à part, mis à part bien sûr la présentation de l'album de Schizo, au métal canadien, Canadian Metal Assault, donc tout au long de l'émission, que des groupes métal canadiens. Aussi, si vous intéresse d'avoir encore plus de métal, que ce soir et bien ce vendredi, écoutez donc mon ami DJ Tower of Death sur Underground Québec dès 6h30, 18h30 si vous préférez, avec son émission Subversion. Et si vous voulez lire des chroniques qui ont aucun bon sens, qui racontent une sorte de niaiseries épouvantables, plus invraisemblables les unes que les autres, et bien allez faire un tour sur le blog de mon ami Sinistros, hurlemort.com. Si vous voulez avoir d'autres avis, des fois on n'a pas toujours les mêmes avis sur les trucs qu'on écoutait de façon, pas nécessairement ensemble, mais qu'on a écouté et qu'on a découvert à peu près en même temps, ben allez faire un tour sur réanimationad.com et allez voir mon penseur, ma version des choses à ce niveau-là, autant au niveau cinéma que musical, bien sûr. On va tenter de se laisser avec, ça va ressembler à ça pas mal, parce que j'aurai pas le temps de vous présenter les deux dernières tunes que j'avais prévues, c'est-à-dire soit une pièce de Metal Church, la très bonne Beyond the Black, tirée du premier album homonyme Metal Church de 84, peut-être une infime partie, avant l'arrivée des gars de matière noire, mais tout de suite on va écouter la longue pièce de Merciful Fate tiré de l'album Melissa, le premier de 1983, soit Satan's Fall. Et d'ici là, bien entendu, suivez attentivement et ouvrez-vous les oreilles pour entendre ce conseil fort pratique et ma foi, peut-être de la sauvegarde de votre santé mentale. Allez tous vous faire foutre, c'est you!